Maintenant, sa jalousie avait un aliment, et Swann allait pouvoir commencer à s'inquiéter chaque jour des visites qu'Odette avait reçues vers 5 heures, à chercher à apprendre où se trouvait Forcheville à cette heure-là. Sa jalousie, comme une pieuvre qui jette une première, puis une seconde, puis une troisième amarre, s'attacha solidement à ce moment de 5 heures du soir, puis à un autre encore. Mais Swann ne savait pas inventer ses souffrances. Elles n'étaient que le souvenir, la perpétuation d'une souffrance qui lui était venue du dehors. Mais là, tout lui en apportait. Il voulut éloigner Odette de Forcheville, l'emmener quelques jours dans le midi. Mais il croyait qu'elle était désirée par tous les hommes qui se trouvaient dans l'hôtel, et qu'elle-même les désirait. Aussi, lui qui jadis en voyage recherchait les gens nouveaux, les assemblées nombreuses, on le voyait, sauvage, fuyant la société des hommes comme si elle l'eût cruellement blessé. Et comment n'aurait-il pas été misanthrope quand dans tout homme il voyait un amant possible pour Odette? Et ainsi, sa jalousie, plus encore que n'avait fait le goût voluptueux et riant qu'il avait d'abord pour Odette, altérait le caractère de Swann et changeait du tout au tout, aux yeux des autres, l'aspect même des signes extérieurs par lesquels ce caractère se manifestait.